superbe, la tête haute, amalgamant plus que jamais dans sa toilette et dans ses manières toutes les élégances du temps de Barras, conduisait Cosette. Il remplaçait Jean Valjean, qui, à cause de son bras en écharpe, ne pouvait donner la main à la mariée. Jean Valjean, en noir, suivait et souriait. « Monsieur Fauchelevent, lui disait l'aïeul, voilà un beau jour. Je vote la fin des afflictions et des chagrins. Il ne faut plus qu'il y ait de tristesse nulle part désormais. Pardieu, je décrète la joie. Le mal n'a pas le droit d'être. Qu'il y ait des hommes malheureux, en vérité, cela est honteux pour l'azur du ciel. Le mal ne vient pas de l'homme, qui, au fond, est bon. Toutes les misères humaines ont pour chef-lieu et pour gouvernement central l'enfer, autrement dit, les Tuileries du diable. Bon, voilà que je dis des mots démagogiques à présent. Quant à moi, je n'ai plus d'opinion politique. Que tous les hommes soient riches, c'est-à-dire joyeux, voilà à quoi je me borne. » Quand, à l'issue de toutes les cérémonies, après avoir prononcé devant le maire et devant le prêtre tous les oui possibles, après avoir signé sur les registres à la municipalité et à la sacristie, après avoir échangé leurs anneaux, après avoir été à genoux coude à coude sous le poêle de moire blanche dans la fumée de l'encensoir, ils arrivèrent se tenant par la main, admirés et enviés de tous, Marius en noir, elle en blanc, précédé du Suisse à épaulettes de colonel frappant les dalles de sa hallebarde, entre deux haies d'assistants émerveillés, sous le portail de l'église ouvert à deux battants, prêts à remonter en voiture, et tout étant fini, Cosette ne pouvait encore y croire. Elle regardait Marius, elle regardait la foule, elle regardait le ciel. Il semblait qu'elle eût peur de se réveiller. Son air étonné et inquiet lui ajoutait on ne sait quoi d'enchanteur. Pour s'en retourner, ils montèrent ensemble dans la même voiture, Marius près de Cosette. Monsieur Gillenormand et Jean Valjean leur faisaient vis-à-vis. La tante Gillenormand avait reculé d'un plan et était dans la seconde voiture. « Mes enfants, disait le grand-père, « vous voilà, monsieur le baron et madame la baronne, avec 30 000 livres de rente. » Et Cosette, se penchant tout contre Marius, lui caressa l'oreille de ce chuchotement angélique. « C'est donc vrai? Je m'appelle Marius? Je suis madame toi ?» Ces deux êtres resplendissaient. Ils étaient à la minute irrévocables et introuvables, à l'éblouissant point d'intersection de toute la jeunesse et de toute la joie. Il réalisait le vers de Jean Prouvaire. À eux deux, ils n'avaient pas 40 ans. C'était le mariage sublimé. Ces deux enfants étaient deux lys. Ils ne se voyaient pas, ils se contemplaient. Cosette apercevait Marius dans une gloire. Marius apercevait Cosette sur un autel. Et sur cet autel et dans cette gloire, les deux apothéoses se mêlant, au fond, on ne sait comment, derrière un nuage pour Cosette, dans un flamboiement pour Marius. Il y avait la chose idéale, la chose réelle, le rendez-vous du baiser et du songe, l'oreiller nuptial. Tout le tourment qu'ils avaient eu leur revenait en enivrement. Il leur semblait que les chagrins, les insomnies, les larmes, les angoisses, les épouvantes, les désespoirs, devenus caresses et rayons, rendaient plus charmante encore l'heure charmante qui approchait, et que les tristesses étaient autant de servantes qui faisaient la toilette de la joie. Avoir souffert, comme c'est bon! Leur malheur faisait auréole à leur bonheur. La longue agonie de leur amour aboutissait à une ascension. C'était dans ces deux âmes le même enchantement, nuancé de volupté dans Marius et de pudeur dans Cosette. Il se disait tout bas, Nous irons revoir notre petit jardin de la rue Plumet. » Les plis de la robe de Cosette étaient sur Marius. Un tel jour est un mélange ineffable de rêve et de certitude. On possède et on suppose. On a encore du temps devant soi pour deviner. C'est une indicible émotion ce jour-là d'être à midi et de songer à minuit. Les délices de ces deux cœurs débordaient sur la foule et donnaient de l'allégresse aux passants. On s'arrêtait rue Saint-Antoine devant Saint-Paul pour voir à travers la vitre de la voiture trembler les fleurs d'oranger sur la tête de Cosette. Puis ils rentrèrent rue des Filles du Calvaire, chez eux. Marius, côte à côte avec Cosette, monta, triomphant et rayonnant, cet escalier où on l'avait traîné mourant. Les pauvres, attroupés devant la porte et se partageant leurs bourses, les bénissaient. Il y avait partout des fleurs. La maison n'était pas moins embaumée que l'église. Après l'encens, les roses. Ils croyaient entendre des voix chanter dans l'infini. Ils avaient Dieu dans le cœur. La destinée leur apparaissait comme un plafond d'étoiles. Ils voyaient au-dessus de leur tête une lueur de soleil levant. Tout à coup, l'horloge sonna. Marius regarda le charmant bras nu de Cosette et les choses roses qu'on apercevait vaguement à travers les dentelles de son corsage. Et Cosette, voyant le regard de Marius, se mit à rougir jusqu'au blanc des yeux. Bon nombre d'anciens amis de la famille Gillenormand avaient été invités. On s'empressait autour de Cosette. C'était à qui l'appellerait Madame la Baronne. L'officier Théodule Gillenormand, maintenant capitaine, était venu de Chartres, où il tenait garnison, pour assister à la noce de son cousin Pontmercy. Cosette ne le reconnut pas. Lui, de son côté, habitué à être trouvé joli par les femmes, ne se souvint pas plus de Cosette que d'une autre. « Comme j'ai eu raison de ne pas croire à cette histoire du lancier !» disait à part soi le père Gillenormand. Cosette n'avait jamais été plus tendre avec Jean Valjean. Elle était à l'unisson du père Gillenormand. Pendant qu'il érigeait la joie en aphorisme et en maxime, elle exhalait l'amour et la bonté comme un parfum. Le bonheur veut tout le monde heureux. Elle retrouvait, pour parler à Jean Valjean, des inflexions de voix du temps qu'elle était petite fille. Elle le caressait du sourire. Un banquet avait été dressé dans la salle à manger. Un éclairage à giorno et l'assaisonnement nécessaire d'une grande joie. La brume et l'obscurité ne sont point acceptées par les heureux. Ils ne consentent pas à être noirs. La nuit, oui, les ténèbres, non. Si l'on n'a pas de soleil, il faut en faire un. La salle à manger était une fournaise de choses gaies. Au centre, au-dessus de la table blanche et éclatante, un lustre de Venise à lame plate, avec toutes sortes d'oiseaux de couleurs, bleus, violets, rouges, verts, perchés au milieu des bougies. Autour du lustre, des girandoles sur le mur, des miroirs appliques à triples et quintuples branches. Glace, cristaux, verrerie, vaisselle, porcelaine, faïence, poterie, orfèvrerie, argenterie, tout étincelait et se réjouissait. Les vides entre les candélabres étaient comblés par les bouquets, en sorte que là où il n'y avait pas une lumière, il y avait une fleur. Dans l'antichambre, trois violons et une flûte jouaient en sourdine des quatuors de Haydn. Jean Valjean s'était assis sur une chaise dans le salon, derrière la porte, dont le battant se repliait sur lui, de façon à le cacher presque. Quelques instants avant qu'on se mît à table, Cosette vint, comme par coup de tête, lui faire une grande révérence en étalant de ses deux mains sa toilette de mariée. Et, avec un regard tendrement espiègle, elle lui demanda : « Père, Êtes-vous content ? Oui, dit Jean Valjean, je suis content. Eh bien, riez alors ! Jean Valjean se mit à rire. Quelques instants après, Basque annonça que le dîner était servi. Les convives, précédés de M. Gillenormand donnant le bras à Cosette, entrèrent dans la salle à manger et se répandirent, selon l'ordre voulu, autour de la table. Deux grands fauteuils y figuraient, à droite et à gauche de la mariée, le premier pour M. Gillenormand, le second pour Jean Valjean. M. Gillenormand s'assit. L'autre fauteuil resta vide. On chercha des yeux M. Fauchelevent. Il n'était plus là. M. Gillenormand interpella Basque. « Sais-tu où est M. Fauchelevent ?»« Monsieur, répondit Basque, précisément. M. Fauchelevent m'a dit de dire à monsieur qu'il souffrait un peu de sa main malade et qu'il ne pourrait dîner avec M. le baron et Mme la baronne. Qu'il priait qu'on l'excusât, qu'il viendrait demain matin. Il vient de sortir. » Ce fauteuil vide refroidit un moment l'effusion du repas de noces. Mais M. Fauchelevent absent, M. Gillenormand était là, et le grand-père rayonnait pour deux. Il affirma que M. Fauchelevent faisait bien de se coucher de bonne heure, s'il souffrait, mais que ce n'était qu'un bobo. Cette déclaration suffit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un coin obscur dans une telle submersion de joie ? Cosette et Marius étaient dans un de ces moments égoïstes et bénis où l'on n'a pas d'autre faculté que de percevoir le bonheur. Et puis, M. Gillenormand eut une idée. « Pardieu, ce fauteuil est vide. Viens-y, Marius. Ta tante, quoiqu'elle ait droit à toi, te le permettra. Ce fauteuil est pour toi. C'est légal et c'est gentil. Fortunatus, près de Fortunata. » Applaudissements de toute la table. Marius prit près de Cosette la place de Jean Valjean. Et les choses s'arrangèrent de telle sorte que Cosette, d'abord triste de l'absence de Jean Valjean, finit par en être contente. Du moment où Marius était le remplaçant, Cosette n'eut pas regretté Dieu. Elle mit son doux petit pied chaussé de satin blanc sur le pied de Marius. Le fauteuil occupé, M. Fauchelevent fut effacé, et rien ne manqua. Et, cinq minutes après, la table entière riait un bout à l'autre avec toute la verve de l'oubli. Au dessert, M. Gillenormand, debout, un verre de vin de champagne en main, à demi plein pour que le tremblement de ses 92 ans ne le fît pas déborder, porta la santé des mariés. « Vous n'échapperez pas à deux sermons, » s'écria-t-il. « Vous avez eu le matin celui du curé, vous aurez le soir celui du grand-père. Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil. Adorez-vous. Je ne fais pas un tas de giri, je vais au but. Soyez heureux. Il n'y a pas dans la création d'autres sages que les tourtereaux. Les philosophes disent, « modérez vos joies. » Moi, je dis, lâchez-leur la bride à vos joies. Soyez épris comme des diables. Soyez enragés. Les philosophes radotent. Je voudrais leur faire rentrer leur philosophie dans la gargoine. Est-ce qu'il peut y avoir trop de parfums, trop de boutons de rose ouverts, trop de rossignols chantant, trop de feuilles vertes, trop d'aurores dans la vie ? Est-ce qu'on peut trop s'aimer ? Est-ce qu'on peut trop se plaire l'un à l'autre ? Prends garde, Estelle, tu es trop jolie. Prends garde, Némorin, tu es trop beau. La bonne balourdise ! Est-ce qu'on peut trop s'enchanter ? Trop se cajoler ? Trop se charmer ? Est-ce qu'on peut trop être vivant ? Est-ce qu'on peut trop être heureux ? Modérez vos joies, ah oui, ah bas les philosophes ! La sagesse, c'est la jubilation, jubilé, jubilons. Sommes-nous heureux parce que nous sommes bons ou sommes-nous bons parce que nous sommes heureux ? Le Sancy s'appelle-t-il le Sancy parce qu'il a appartenu à Harley de Sancy ou parce qu'il pèse 106 carats? Je n'en sais rien. La vie est pleine de ces problèmes-là. L'important, c'est d'avoir le Sancy et le bonheur. Soyons heureux, sans chicaner. Obéissons aveuglément au soleil. Qu'est-ce que le soleil? C'est l'amour. Qui dit amour dit femme. Ha ha! Voilà une toute-puissance. C'est la femme. Demandez à ce démagogue de Marius s'il n'est pas l'esclave de cette petite tyranne de Cosette. Et de son plein gré, le lâche! La femme. Il n'y a pas de Robespierre qui tienne. La femme règne. Je ne suis plus royaliste que de cette royauté-là. Qu'est-ce qu'Adam? C'est le royaume d'Ève. Pas de 89 pour Ève. Il y avait le sceptre royal surmonté d'une fleur de lys. Il y avait le sceptre impérial surmonté d'un globe. Il y avait le sceptre de Charlemagne qui était en fer. Il y avait le sceptre de Louis le Grand qui était en or. La révolution les a tordus entre son pouce et son index, comme des fétus de paille de deux liards. C'est fini, c'est cassé, c'est par terre. Il n'y a plus de sceptre. Mais faites-moi donc des révolutions contre ce petit mouchoir brodé qui sent le patchouli. Je voudrais vous y voir. Essayez! Pourquoi est-ce solide? Parce que c'est un chiffon. Ah, vous êtes le 19e siècle. Eh bien après, nous étions le 18e, nous. Et nous étions aussi bêtes que vous. Ne vous imaginez pas que vous ayez changé grand-chose à l'univers, parce que votre trousse galant s'appelle le choléra morbus et parce que votre borée s'appelle la cachucha. Au fond, il faudra bien toujours aimer les femmes. Je vous défie de sortir de là. Ces diablesses sont nos anges. Oui, l'amour, la femme, le baiser, c'est un cercle dont je vous défie de sortir. Et quant à moi, je voudrais bien y rentrer. Lequel de vous a vu se lever dans l'infini, apaisant tout au-dessous d'elle, regardant les flots comme une femme, l'étoile Vénus, la grande coquette de l'abîme, la célimène de l'océan. L'océan, voilà un rude Alceste. Eh bien, il a beau bougonner, Vénus paraît. Il faut qu'il sourie. Cette bête brute se soumet. Nous sommes tous ainsi. Colère, tempête, coup de foudre, écume jusqu'au plafond. Une femme entre en scène, une étoile se lève. À plat ventre. Marius se battait il y a 6 mois. Il se marie aujourd'hui. C'est bien fait. Oui, Marius. Oui, Cosette, vous avez raison. Existez hardiment l'un pour l'autre. Faites-vous des mamours. Faites-nous crever de rage de n'en pouvoir faire autant. Idolâtrez-vous. Prenez dans vos deux becs tous les petits brins de félicité qu'il y a sur la terre et arrangez-vous en un nid pour la vie. Parti. Aimer. Être aimé. Le beau miracle quand on est jeune. Ne vous figurez-vous pas que vous ayez inventé cela? Moi aussi j'ai rêvé, j'ai songé, j'ai soupiré. Moi aussi j'ai eu une âme claire de lune. L'amour est un enfant de 6000 ans. L'amour a droit à une longue barbe blanche. Mathusalem est un gamin près de Cupidon. Depuis 60 siècles, l'homme et la femme se tirent d'affaire en aimant. Le diable, qui est malin, s'est mis à haïr l'homme. L'homme, qui est plus malin, s'est mis à aimer la femme. De cette façon, il s'est fait plus de bien que le diable ne lui a fait de mal. Cette finesse-là a été trouvée dès le paradis terrestre. Mes amis, l'invention est vieille, mais elle est toute neuve. Profitez-en. Soyez Daphnis et Chloé, en attendant que vous soyez Philémon et Baucis. Faites en sorte que, quand vous êtes l'un avec l'autre, rien ne vous manque, et que Cosette soit le soleil pour Marius, et que Marius soit l'univers pour Cosette. Cosette, que le beau temps, ce soit le sourire de votre mari. Marius, que la pluie, ce soit les larmes de ta femme, et qu'il ne pleuve jamais dans votre ménage. Vous avez chipé à la loterie le bon numéro, l'amour dans le sacrement. Vous avez le gros lot, gardez-le bien, mettez-le sous clé, ne le gaspillez pas. Adorez-vous et fichez-vous du reste. Croyez ce que je dis là, c'est du bon sens. Bon sens ne peut mentir. Soyez-vous l'un pour l'autre une religion. Chacun a sa façon d'adorer Dieu, sa perlope. La meilleure manière d'adorer Dieu, c'est d'aimer sa femme. Je t'aime, voilà mon catéchisme. Quiconque aime est orthodoxe. Le juron de Henri IV met la sainteté entre la ripaille et l'ivresse. Ventre saint gris, je ne suis pas de la religion de ce juron-là. La femme y est oubliée. Cela m'étonne de la part du juron de Henri IV. Mes amis, vive la femme! Je suis vieux, à ce qu'on dit. C'est étonnant comme je me sens en train d'être jeune. Je voudrais aller écouter des musettes dans les bois. Ces enfants-là qui réussissent à être beaux et contents, cela me grise. Je me marierais bellement si quelqu'un voulait. Il est impossible de s'imaginer que Dieu nous ait fait pour autre chose que ceci. Idolâtrer, roucouler, adoniser, être pigeon, être coq, becqueter ses amours du matin au soir, se mirer dans sa petite femme, être fier, être triomphant, faire jabot, voilà le but de la vie. Voilà, ne vous en déplaise, ce que nous pensions, nous autres, dans notre temps dont nous étions les jeunes gens. Ah, vertu bamboche, qu'il y en avait donc de charmantes femmes à cette époque-là, et des minois et des tendrons. J'y exerçais mes ravages. Donc, aimez-vous. Si l'on ne s'aimait pas, je ne vois pas vraiment à quoi cela servirait qu'il y eût un printemps. Et quant à moi, je prierai le bon Dieu de serrer toutes les belles choses qu'il nous montre et de nous les reprendre et de remettre dans sa boîte les fleurs, les oiseaux et les jolies filles. Mes enfants, recevez la bénédiction du vieux bonhomme. La soirée fut vive, gaie, aimable. La belle humeur souveraine du grand-père donna lutte à toute la fête. Et chacun se régla sur cette cordialité presque centenaire. On dansa un peu, on rit beaucoup. Ce fut une noce bon enfant. On eût pu y convier le bonhomme jadis. Du reste, il y était dans la personne du père Gillenormand. Il y eut tumulte, puis silence. Les mariés disparurent. Un peu après minuit, la maison Gillenormand devint un temple. Ici, nous nous arrêtons. Sur le seuil des nuits de noces, un ange est debout, souriant, un doigt sur la bouche. L'âme entre en contemplation devant ce sanctuaire où se fait la célébration de l'amour. Il doit y avoir des lueurs au-dessus de ces maisons-là. La joie qu'elles contiennent doit s'échapper à travers les pierres des murs en clarté et rayer vaguement les ténèbres. Il est impossible que cette fête sacrée et fatale n'envoie pas un rayonnement céleste à l'infini. L'amour, c'est le creuset sublime où se fait la fusion de l'homme et de la femme. L'être, un, l'être triple, l'être final, la trinité humaine en sort. Cette naissance de deux âmes en une doit être une émotion pour l'ombre. L'amant est prêtre, la Vierge ravie s'épouvante. Quelque chose de cette joie va à Dieu. Là où il y a vraiment mariage, c'est-à-dire où il y a amour, l'idéal s'en mêle. Un lit nuptial fait dans les ténèbres un coin d'aurore. S'il était donné à la prunelle de chair de percevoir les visions redoutables et charmantes de la vie supérieure, il est probable qu'on verrait les formes de la nuit, les inconnus ailés, les passants bleus de l'invisible, se pencher, foule de têtes sombres, autour de la maison lumineuse, satisfaits, bénissant, se montrant les uns aux autres la Vierge épouse, doucement effarée, et ayant le reflet de la félicité humaine sur leur visage divin. Si, à cette heure suprême, les époux éblouis de volupté, et qui se croient seuls, écoutaient, ils entendraient dans leur chambre un bruissement d'ailes confuses. Le bonheur parfait implique la solidarité des anges. Cette petite alcôve obscure a pour plafond tout le ciel. Quand deux bouches, devenues sacrées par l'amour, se rapprochent pour créer, il est impossible qu'au-dessus de ce baiser ineffable, il n'y ait pas un tressaillement dans l'immense mystère des étoiles. Ces félicités sont les vraies. Pas de joie hors de ces joies-là. L'amour, c'est là l'unique extase. Tout le reste pleure. Aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demandez rien ensuite. On n'a pas d'autre perle à trouver dans les plis ténébreux de la vie. Aimer est un accomplissement. Chapitre 3. L'inséparable. Qu'était devenu Jean Valjean ? Immédiatement après avoir ri sur la gentille injonction de Cosette, personne ne faisant attention à lui, Jean Valjean s'était levé et, inaperçu, il avait gagné l'antichambre. C'était cette même salle où, 8 mois auparavant, il était entré noir de boue, de sang et de poudre, rapportant le petit-fils à l'aïeul. La vieille boiserie était enguirlandée de feuillages et de fleurs. Les musiciens étaient assis sur le canapé où l'on avait déposé Marius. Basque, en habit noir, en culotte courte, en bas blanc et en gants blancs, disposait des couronnes de roses autour de chacun des plats qu'on allait servir. Jean Valjean lui avait montré son bras en écharpe, l'avait chargé d'expliquer son absence et était sorti. Les croisées de la salle à manger donnaient sur la rue. Jean Valjean demeura quelques minutes debout et immobile dans l'obscurité sous ses fenêtres radieuses. Il écoutait. Le bruit confus du banquet venait jusqu'à lui. Il entendait la parole haute et magistrale du grand-père, les violons, le cliquetis des assiettes et des verres, les éclats de rire. Et dans toute cette rumeur gaie, il distinguait la douce voix joyeuse de Cosette. Il quitta la rue des Filles du Calvaire et s'en revint rue de l'Homme Armé. Pour s'en retourner, il prit par la rue Saint-Louis, la rue Culture Sainte-Catherine et les Blancs-Manteaux. C'était un peu le plus long, mais c'était le chemin par où, depuis 3 mois, pour éviter les encombrements et les boues de la rue Vieille du Temple, il avait coutume de venir tous les jours de la rue de l'Homme Armé à la rue des Filles du Calvaire avec Cosette. Ce chemin où Cosette avait passé excluait pour lui tout autre itinéraire. Jean Valjean rentra chez lui. Il alluma sa chandelle et monta. L'appartement était vide. Toussaint elle-même n'y était plus. Le pas de Jean Valjean faisait dans les chambres plus de bruit qu'à l'ordinaire. Toutes les armoires étaient ouvertes. Il pénétra dans la chambre de Cosette. Il n'y avait pas de drap au lit. L'oreiller de coutil, sans taie et sans dentelle, était posé sur les couvertures pliées au pied des matelas dont on voyait la toile et où personne ne devait plus coucher. Tous les petits objets féminins auxquels tenait Cosette avaient été emportés. Il ne restait que les gros meubles et les 4 murs. Le lit de Toussaint était également dégarni. Un seul lit était fait et semblait attendre quelqu'un. C'était celui de Jean Valjean. Jean Valjean regarda les murailles, ferma quelques portes d'armoire, alla et vint d'une chambre à l'autre. Puis il se retrouva dans sa chambre et il posa sa chandelle sur une table. Il avait dégagé son bras de l'écharpe et il se servait de la main droite comme s'il n'en souffrait pas. Il s'approcha de son lit et ses yeux s'arrêtèrent, fût-ce par hasard, fût-ce avec intention, sur l'inséparable dont Cosette avait été jalouse, sur la petite malle qui ne le quittait jamais. Le 4 juin, en arrivant rue de l'Homme Armé, il l'avait déposé sur un guéridon près de son chevet. Il alla à ce guéridon avec une sorte de vivacité, prit dans sa poche une clé et ouvrit la valise. Il en tira lentement les vêtements avec lesquels, 10 ans auparavant, Cosette avait quitté Montfermeil. D'abord la petite robe noire, puis le fichu noir, puis les bons gros souliers d'enfant que Cosette aurait presque pu mettre encore tant elle avait le pied petit, puis la brassière de futaine bien épaisse, puis le jupon de tricot, puis le tablier à poche, puis les bas de laine. Ces bas, où était encore gracieusement marquée la forme d'une petite jambe, n'étaient guère plus longs que la main de Jean Valjean. Tout cela était de couleur noire. C'était lui qui avait apporté ses vêtements pour elle à Montfermeil. À mesure qu'il les ôtait de la valise, il les posait sur le lit. Il pensait, il se rappelait. C'était en hiver, un mois de décembre très froid. Elle grelottait à demi nue dans des guenilles, ses pauvres petits pieds tout rouges dans des sabots. Lui, Jean Valjean, il lui avait fait quitter ses haillons pour lui faire mettre cet habillement de deuil. La mère avait dû être contente dans sa tombe de voir sa fille porter son deuil, et surtout de voir qu'elle était vêtue et qu'elle avait chaud. Il pensait à cette forêt de Montfermeil. Ils l'avaient traversée ensemble, Cosette et lui. Il pensait au temps qu'il faisait, aux arbres sans feuilles, au bois sans oiseaux, au ciel sans soleil. C'est égal, c'était charmant. Il rangea les petites nippes sur le lit, le fichu près du jupon, les bas à côté des souliers, la brassière à côté de la robe, et il les regarda l'une après l'autre. Elle n'était pas plus haute que cela. Elle avait sa grande poupée dans ses bras. Elle avait mis son louis d'or dans la poche de ce tablier. Elle riait. Ils marchaient tous les deux se tenant par la main. Elle n'avait que lui au monde. Alors, sa vénérable tête blanche tomba sur le lit. Ce vieux cœur stoïque se brisa. Sa face s'abîma, pour ainsi dire, dans les vêtements de Cosette. Et si quelqu'un eût passé dans l'escalier en ce moment, on eût entendu d'effrayants sanglots. Chapitre 4. Immortalé Gécourt. La vieille lutte formidable, dont nous avons déjà vu plusieurs phases, recommença. Jacob ne lutta avec l'ange qu'une nuit. Hélas! Combien de fois avons-nous vu Jean Valjean saisi corps à corps dans les ténèbres par sa conscience et luttant éperdument contre elle? Lutte inouïe. À de certains moments, c'est le pied qui glisse. À d'autres instants, c'est le sol qui croule. Combien de fois cette conscience, forcenée au bien, l'avait-elle étreint et accablée? Combien de fois la vérité inexorable lui avait-elle mis le genou sur la poitrine? Combien de fois, terrassé par la lumière, lui avait-il crié « Grâce !» Combien de fois cette lumière implacable, allumée en lui et sur lui par l'évêque, l'avait-elle ébloui de force alors qu'il souhaitait être aveuglé? Combien de fois s'était-il redressé dans le combat, retenu au rocher, adossé au sophisme, traîné dans la poussière, tantôt renversant sa conscience sous lui, tantôt renversé par elle? Combien de fois, après une équivoque, après un raisonnement traître et spécieux de l'égoïsme, avait-il entendu sa conscience irritée lui crier à l'oreille « Croque en jambe, misérable !» Combien de fois sa pensée réfractaire avait-elle râlé convulsivement sous l'évidence du devoir? Résistance à Dieu, sueur funèbre. Que de blessures secrètes que lui seul sentait saigner, que d'écorchures à sa lamentable existence. Combien de fois s'était-il relevé sanglant, meurtri, brisé, éclairé, le désespoir au cœur, la sérénité dans l'âme. Et vaincu, il se sentait vainqueur. Et après l'avoir disloqué, tenaillé et rompu, sa conscience, debout au-dessus de lui, redoutable, lumineuse, tranquille, lui disait « Maintenant, va en paix. » Mais, au sortir d'une si sombre lutte, quelle paix lugubre, hélas! Cette nuit-là, pourtant, Jean Valjean sentit qu'il livrait son dernier combat. Une question se présentait, poignante. Les prédestinations ne sont pas toutes droites. Elles ne se développent pas en avenue rectiligne devant le prédestiné. Elles ont des impasses, des sécums, des tournants obscurs, des carrefours inquiétants offrant plusieurs voies. Jean Valjean faisait halte en ce moment au plus périlleux de ces carrefours. Il était parvenu au suprême croisement du bien et du mal. Il avait cette ténébreuse intersection sous les yeux. Cette fois encore, comme cela lui était déjà arrivé dans d'autres péripéties douloureuses, deux routes s'ouvraient devant lui, l'une tentante, l'autre effrayante. Laquelle prendre ? Celle qui effrayait était conseillée par le mystérieux doigt indicateur que nous apercevons tous chaque fois que nous fixons nos yeux sur l'ombre. Jean Valjean avait, encore une fois, le choix entre le port terrible et l'embûche souriante. Cela est-il donc vrai ? L'âme peut guérir ? Le sort, non ? Chose affreuse, une destinée incurable. La question qui se présentait, la voici. De quelle façon Jean Valjean allait-il se comporter avec le bonheur de Cosette et de Marius ? Ce bonheur, c'était lui qui l'avait voulu, c'était lui qui l'avait fait. Il se l'était lui-même enfoncé dans les entrailles. Et à cette heure, en le considérant, il pouvait avoir l'espèce de satisfaction qu'aurait un armurier qui reconnaîtrait sa marque de fabrique sur un couteau en se le retirant tout fumant de la poitrine. Cosette avait Marius. Marius possédait Cosette. Ils avaient tout, même la richesse. Et c'était son œuvre. Mais ce bonheur, maintenant qu'il existait, maintenant qu'il était là, qu'allait-il en faire, lui, Jean Valjean ? S'imposerait-il à ce bonheur ? Le traiterait-il comme lui appartenant ? Sans doute Cosette était à un autre, mais lui, Jean Valjean, retiendrait-il de Cosette tout ce qu'il en pourrait retenir ? Resterait-il l'espèce de père, entrevu mais respecté, qu'il avait été jusqu'alors ? S'introduirait-il tranquillement dans la maison de Cosette ? Apporterait-il, sans dire mot, son passé à cet avenir ? Se présenterait-il là comme ayant droit ? Et viendrait-il s'asseoir, voilé, à ce lumineux foyer ? Prendrait-il, en leur souriant, les mains de ces innocents dans ces deux mains tragiques ? Poserait-il sur les paisibles chenets du salon Gillenormand ses pieds, qui traînaient derrière eux l'ombre infamante de la loi ? Entrerait-il en participation de chance avec Cosette et Marius ? Épaissirait-il l'obscurité sur son front et le nuage sur le leur ? Mettrait-il en tiers, avec leurs deux félicités, sa catastrophe ? Continuerait-il de se taire ? En un mot, serait-il près de ces deux êtres heureux le sinistre muet de la destinée ? Il faut être habitué à la fatalité et à ses rencontres pour oser lever les yeux quand de certaines questions nous apparaissent dans leur nudité horrible. Le bien ou le mal sont derrière ce sévère point d'interrogation. « Que vas-tu faire ?» demande le sphinx. Cette habitude de l'épreuve, Jean Valjean l'avait. Il regarda le sphinx fixement. il examina l'impitoyable problème sous toutes ses faces. Cosette, cette existence charmante, était le radeau de ce naufragé. Que faire ? S'y cramponner ou lâcher prise ? S'il s'y cramponnait, il sortait du désastre, il remontait au soleil, il laissait ruisseler de ses vêtements et de ses cheveux l'eau amère, il était sauvé, il vivait. Allait-il lâcher prise ? Alors, l'abîme. Il tenait ainsi douloureusement conseil avec sa pensée. Ou, pour mieux dire, il combattait. Il se ruait furieux au-dedans de lui-même, tantôt contre sa volonté, tantôt contre sa conviction. Ce fut un bonheur pour Jean Valjean d'avoir pu pleurer. Cela l'éclaira peut-être. Pourtant, le commencement fut farouche. Une tempête, plus furieuse que celle qui autrefois l'avait poussé vers Arras, se déchaîna en lui. Le passé lui revenait en regard du présent. Il comparait et il sanglotait. Une fois l'écluse des larmes ouvertes, le désespéré se tortit. Il se sentait arrêté. Hélas, dans ce pugilat à outrance, entre notre égoïsme et notre devoir, quand nous reculons ainsi pas à pas devant notre idéal incommutable, égarés, acharnés, exaspérés de céder, disputant le terrain, espérant une fuite possible, cherchant une issue, quelle brusque et sinistre résistance derrière nous que le pied du mur. Sentir l'ombre sacrée qui fait obstacle, l'invisible inexorable, quelle obsession! Donc, avec la conscience, on n'a jamais fini. Prends-en ton parti, Brutus. Prends-en ton parti, Caton. Elle est sans fond, étant Dieu. On jette dans ce puits le travail de toute sa vie. On y jette sa fortune. On y jette sa richesse. On y jette son succès. On y jette sa liberté ou sa patrie. On y jette son bien-être. On y jette son repos. On y jette sa joie. Encore, encore, encore, videz le vase, penchez l'urne, il faut finir par y jeter son cœur. Il y a quelque part dans la brume des vieux enfers un tonneau comme cela. N'est-on pas pardonnable de refuser enfin? Est-ce que l'inépuisable peut avoir un droit? Est-ce que les chaînes sans fin ne sont pas au-dessus de la force humaine? Qui donc blâmerait Sisyphe et Jean Valjean de dire « c'est assez ». L'obéissance de la matière est limitée par le frottement. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'obéissance de l'âme? Si le mouvement perpétuel est impossible, est-ce que le dévouement perpétuel est exigible? Le premier pas n'est rien. C'est le dernier qui est difficile. Qu'était-ce que l'affaire Champmathieu à côté du mariage de Cosette et de ce qu'il entraînait? Qu'est-ce que ceci? Rentrer au bagne, à côté de ceci, entrer dans le néant. Ô première marche à descendre, que tu es sombre. Ô seconde marche, que tu es noire. Comment ne pas détourner la tête cette fois? Le martyr est une sublimation, sublimation corrosive. C'est une torture qui sacre. On peut y consentir la première heure. On s'assied sur le trône de fer rouge, on met sur son front la couronne de fer rouge, on accepte le globe de fer rouge, on prend le sceptre de fer rouge. Mais il reste encore à vêtir le manteau de flamme. Et n'y a-t-il pas un moment où la chair misérable se révolte et où l'on abdique le supplice? Enfin, Jean Valjean entra dans le calme de l'accablement. Il pesa, il songea, il considéra les alternatives de la mystérieuse balance de lumière et d'ombre. Imposer son bagne à ses deux enfants éblouissants, ou consommer lui-même son irrémédiable engloutissement. D'un côté, le sacrifice de Cosette, de l'autre, le sien propre. À quelle solution s'arrêta-t-il ? quelle détermination prit-il? Quelle fut, au-dedans de lui-même, sa réponse définitive à l'incorruptible interrogatoire de la fatalité? Quelle porte se décida-t-il à ouvrir? Quel côté de sa vie prit-il le parti de fermer et de condamner? Entre tous ces escarpements insondables qui l'entouraient, quel fut son choix? Quelle extrémité accepta-t-il? Auquel de ces gouffres fit-il un signe de tête? Sa rêverie vertigineuse dura toute la nuit. Il resta là jusqu'au jour, dans la même attitude, ployé en deux sur ce lit, prosterné sous l'énormité du sort. Écrasé peut-être, hélas. Les poings crispés, les bras étendus à angle droit, comme un crucifié décloué qu'on aurait jeté la face contre terre. Il demeura 12 heures, les 12 heures d'une longue nuit d'hiver, glacé, sans relever la tête et sans prononcer une parole. Il était immobile comme un cadavre, pendant que sa pensée se roulait à terre et s'envolait, tantôt comme l'hydre, tantôt comme l'aigle. À le voir ainsi, sans mouvement, on eût dit un mort. Tout à coup, il tressaillait convulsivement, et sa bouche, collée aux vêtements de Cosette, les baisait. Alors on voyait qu'il vivait. Qui on? Puisque Jean Valjean était seul et qu'il n'y avait personne là. Le on qui est dans les ténèbres.